Quand tu reviendras à la maison, rapporte-moi ces quatre choses. Un simple bouquet de fleurs des champs, un kilo de pêche, trois paquets de cigarettes. Et puis n'oublie pas que je t'attends et que c'est toi la quatrième chose. Toi seul dans ma vie est important. Tu sais, quand on aime, un retour c'est une fête. Quatrième chose.